disais d'ailleurs tout à l'heure, avant de parler, Martine, Jean-François, tu disais que c'était aussi un lieu, tu rappelais que c'était aussi un lieu où on pouvait voir des films qui étaient en train de se faire, qui étaient aussi au travail, puisqu'on sait que si rentrer dans l'histoire d'un projet de film, c'est aussi des histoires longues. Et c'est pour ça qu'on trouve ça intéressant de parler de tout ça avec vous, parce qu'il y a aussi cette idée, encore heureux, comme je vous disais tout à l'heure, dans ces séjours et dans ces invitations d'atelier, de penser à des invitations qui sont liées à des histoires longues, qui seraient un peu autre chose que ce qu'on entendrait par intervention artistique sur des temps courts, ou même si parfois il peut se passer des choses joyeuses aussi, c'est aussi parfois dans certains lieux de spectacle vivant juste une sorte de monnaie d'échange. Les ateliers, il y a une résidence d'artistes et puis on demande d'aller dans les écoles, etc. Enfin, c'est aussi pour souligner que dans la construction du lieu polygone, mais aussi un peu dans les rencontres et puis dans ce que tu racontais aussi, Benoît, il y a cette idée quand même de la durée et de l'implantation, qui est d'ailleurs un mot qui a été utilisé dans la psychiatrie de secteur. Lucien Bonafé, qui construisait les institutions de secteur, parlait d'implantation préalable. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas accueillir la folie s'il n'y avait pas aussi une certaine forme de vie partagée. Et il utilisait ce mot d'implantation préalable, qui finalement n'est pas inutile aussi à penser pour les lieux de cinéma, de théâtre ou autre. Mais je te laisse la parole, Martine, pour redévelopper aussi peut-être... Faire le contre-champ. Alors effectivement, moi j'ai une histoire beaucoup plus courte avec le polygone étoilé, ça fait voilà, une dizaine d'années. Juste pour rentrer dans ce que je pourrais bien en dire, c'est que j'ai rencontré ce lieu quand moi j'étais très très militante à Marseille, notamment sur les questions de logement et d'expulsion d'habitants. Donc je travaillais sur une grande rue qui s'appelle la rue de la République, qui avait été rachetée par un fonds d'investissement américain. Donc moi j'étais évidemment avec les habitants pour batailler contre ça. Et comme je suis quand même artiste aussi, j'accueillais beaucoup de cinéastes et beaucoup de photographes qui travaillaient sur la rue. Et le seul lieu qui m'a accueilli dans le centre-ville à Marseille, c'est le Polygone étoilé. Donc pour faire restitution de ces films, ou pour en discuter avec les habitants, on faisait beaucoup d'ateliers, par exemple, avec les habitants sur comment parler aux médias, pour ne pas pouvoir se faire couper au milieu d'une phrase importante. Donc on pouvait travailler cette partie-là avec les habitants et montrer aussi ce que faisaient les artistes avec les images. Et puis, du coup, je suis rentrée, puis je ne suis pas vraiment ressortie, en fait. Donc, 10 ans plus tard, j'y suis toujours. Et ce qui m'a... Cette façon-là de rentrer, c'est-à-dire personne au Polygone m'a demandé ni quels étaient les films, ni ce qu'on allait y faire, pas de dossier, pas de sélection, porte ouverte. Et ça, c'est quelque chose qu'on tient, que la première équipe, on va dire la première période, avait installé là aussi. Pas de sélection, pas d'artiste en résidence sélectionné sur dossier. Peut-être quelqu'un qui tape à la porte et qui dit « j'ai besoin de faire un film ». Et c'est tout. Parce que je crois que c'était très important et que Marseille, c'est quelque chose qui a vraiment à voir avec une hospitalité immense. Ça a été, pour moi, la ville où je suis née une deuxième fois. Et c'est une ville qui accueille. Et le polygone, je trouve qu'en fractal, en petit, c'est ce qu'il fait. Et on continue à le faire. On en paye le prix, puisque pas de sélection, pas de compétition, pas d'équipe qui dit « ceci, c'est bien » et « ceci, c'est pas bien ». On est, moi qui en fais maintenant l'administration au sens, je dirais, dans l'ancien français, prendre soin. J'ai choisi de prendre soin de cet outil de travail pour qu'il soit toujours quelque chose du plus ouvert. C'est pas facile. Il y a toujours une petite tendance à refermer, à dire c'est notre outil. Donc moi c'est un petit peu mon boulot de dire non. On continue d'accueillir quiconque a envie, en fait, et besoin. Donc c'est assez simple, on a seulement 2 salles de montage, enfin 3 avec la table 16 mm qui commence à marcher à nouveau, très fort. Les gens qui viennent, et ça nous relie aussi à Pont-Rompu, travailler des images d'archives. Et on a construit comme ça, depuis ces 10 dernières années, un outil absolument formidable, où on peut restaurer de la pellicule, déjà sur la table, recoller, en faire quelque chose de propre, monter à l'étage où on vient d'investir dans un scanner numérique 4K qui permet de remonter au jour des filmographies qu'on complète, des documents. Une fois qu'on a numérisé, on redescend en salle de projection, puisqu'on a une salle de projection de 80 places, et où on peut comme ça travailler dans une même journée, une remontée au jour, un travail de purement technique, enfin pas purement, en fait de moins en moins, c'est comme ça que je le perçois, et puis aller voir tout de suite ce que ça nous raconte en grand. Voilà, donc c'est cet outil-là qu'on essaye de faire vivre, et évidemment, en maintenant toujours cette histoire avec les habitants, les ateliers, les pratiques ont changé, on va dire, les films ont changé aussi, parce que la première équipe travaillait beaucoup en 16 mm, et puis est arrivé, là aussi, en frappant à la porte, quelqu'un qui s'appelle Claudia Molese, qui est italienne et qui avait un film à monter, et puis elle aussi, elle est rentrée, puis après elle est restée pendant 4 années, 5 ans, et elle a emmené les films d'atelier un autre endroit, donc on a tourné en numérique parce que les gamins aussi avaient envie d'écrire des histoires, de faire des scénarios, de faire des personnages, de faire des costumes. Et Claudia, j'en ai d'autres si jamais un moment on a le temps peut-être d'en oui, voir un ou deux. Bien sûr. Parce que c'est une autre façon de travailler collectivement aussi, qui tient beaucoup à elle, à Claudia, le rapport qu'elle a aux gamins et aux familles, en fait. C'est quelqu'un qui est anthropologue de formation et qui a, comme ça, su emmener dans une espèce de folie aussi, quasiment, enfin, tout le quartier, quoi, puisqu'on tourne dans le quartier. On a emmené les gamins faire un western dans la Pampa, là, à côté. L'an dernier, on est allé au Frioul. Enfin, voilà, ça, c'est Claudia. Elle a maintenant décidé aussi d'arrêter, parce que je crois que c'est bien de ne pas faire tout le temps des ateliers, en fait. Bien sûr. Donc elle a choisi d'arrêter. Et c'est une autre plus jeune équipe et qui reprend par la radio, justement. Donc un peu moins envie de faire des films, un peu plus envie de faire de la radio. Donc cette année, on pratique comme ça. Donc bon, comme tout le monde, on était fermé pendant le confinement. Donc ce qu'on a fait le plus, ce sont des projections de travail. C'est-à-dire là, on a vraiment, on n'a jamais arrêté. Et le travail sur les films a été tenu tout du long, évidemment avec un peu de public. Et là, on réouvre complètement en préparant les prochains grands rendez-vous du polygone étoilé, semaine asymétrique. C'est une sorte de marathon qui dure plus souvent 8 ou 9 jours que 7, et où on regarde des films et où on en parle, surtout et beaucoup. Ouais, ce que j'allais dire, c'était aussi un lieu où, quand tu parlais de cette salle en bas, avec les différentes salles de travail, où on peut redescendre, mais pendant la semaine asymétrique, c'est aussi un endroit où on reste assis sans regarder de film pour parler, échanger de ce qu'on a vu ou de ce qu'on a pensé en voyant ou en écoutant ces films. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur la mutation vers des ateliers radio, même en termes de pratique, ou peut-être c'est pas le lieu ou le moment, mais... Parce que ça s'était lié au fait que, à la période confinement, pas du tout, ou c'était un mouvement qui était déjà présent par rapport au son dans les films, comme on l'a entendu tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un des deux d'aujourd'hui qui fait du son, ça c'est sûr. Et après, les ateliers, c'est se faire emmener aussi par les enfants, que ça soit, enfin pas que les enfants, mais de se faire emmener, de se faire embarquer. Et cette année, les enfants, parce que là on était, c'est les minots. On les appelle les minots de Massabo, le petit groupe. C'est ce qu'ils avaient envie de faire. Ok. Donc, il y a un truc de désir de la radio. Nous, on dit oui. Et puis, du coup, c'était quand même aussi aller dans une vraie radio, parce que sinon, ça n'allait pas pour eux. Donc, on est allé à Radio Galère et mettre en vrai. Bon, à la fin, ils ont tous dansé. C'était le why, comme on dit à Marseille. Ils ont vraiment dansé dans la station de radio, mais du coup là on fait un podcast, ça pourrait être rediffusé. Donc c'est se faire embarquer par les, okay. par les gamins tout le temps. Par ailleurs, Martine, vous êtes venue, enfin, je pense à ça parce qu'il y a le livre pour rompu, photographie, témoignage auquel tu as participé avec les éditions communes. Mais il y a aussi des livres avec lesquels tu es venu, où vous avez commencé à monter, on pourrait dire, une collection de livres qui s'appelle Cinéma hors capitale. dans lequel vous, enfin, des livres auxquels vous consacrez, vous, enfin, est-ce que tu, je ne vais pas dire ce que c'est, ce serait plutôt vous, vu vous êtes là. Comme une série de, une revue livre. Oui. Oui. Quelque chose comme ça. Bon, c'était quelque chose. Enfin, les livres, c'est très très important, je crois. Et sont arrivés ce très fort besoin, désir ou de travailler sur des films aussi. Je crois que c'est venu. On a commencé avec Flaky et le tien. Flaky et camarades, qui est un très beau film de Aaron Sivers, tourné dans les mines du Nord, Pas-de-Calais. Au moment de la fin des mines. Et puis on a eu envie autour de ça de construire un espèce de, enfin, autour de chaque film un corpus. Là aussi sans contrainte. Hein, quand on lance un livre, il n'y a pas de contrainte de signe ou de quoi que ce soit. Et on réfléchit à plusieurs autour d'un film. Bon, moi je n'en fais que l'édition. Je fais de l'édition à échelle 1, moi, toute petite. Je fais petite maison d'édition. Je fais la distribution. Je fais la fabrication, qui est ce que je préfère. Et enfin tout ce qui est emmener chaque livre vers le lecteur, donc ça c'est un gros enjeu. On a commencé avec Flaky, et puis après il y a Jean-François. Après est arrivé par exemple une histoire à laquelle j'ai pas participé, mais très forte aussi pour moi désormais, avec Jean-Pierre Thorne, où est projeté au Polygone Étoilé le film oublié de Jean-Pierre Thorne, sa seule fiction, tournée à Marseille. Donc c'est aussi voir le cinéma depuis l'endroit où on est, du point d'implantation. Et c'est un film tourné dans les quartiers ouvriers de Marseille, dont personne n'avait envie de parler parce que c'est une fiction un peu étrange sur la chute du communisme, et tourné avec à la fois des vrais acteurs et puis beaucoup de participants du quartier, enfin des quartiers nord et du centre-ville. Voilà, et puis chaque livre, c'est un peu d'aller explorer comme ça autour, avec des gens qui écrivent de façon... c'est un corpus poétique et critique autour des films. Voilà, donc on continue ça aussi quand le besoin s'en fait sentir, en fait, quand on a un film et quand j'ai un peu de sous. Et puis, le dernier, on en parlait. Alors, histoire continuée, par exemple, on voit dans les filiations... C'est Jean-Pierre Thorne qui m'amène un jour un texte absolument somptueux de Bruno Muel, des groupes Medvedkin. Donc ça, pour moi, ça a été, outre le coup de cœur pour le bonhomme en question, une vraie découverte du travail Medvedkin par Bruno. C'est-à-dire, Bruno, personne ne sait qui c'est, ou presque. Ni les groupes Medvedkin, et peut-être tu peux en dire un mot brièvement. Le groupe Medvedkin, c'est ce grand temps, là aussi, une longue durée de travail avec les ouvriers de Sochaux et de Besançon, des ouvriers qui faisaient des voitures, et qui vient de Chris Marker, qui a un moment fait un film qui s'appelle « À bientôt, j'espère », qui va le montrer aux ouvriers. Les ouvriers lui disent « Non, mais c'est nul ». Et donc, Chris Marker dit « Allez-y, faites des films ». Et vont, à ce moment-là, se rendre pendant 4 années d'affilée sur place avec les ouvriers, Bruno Muel, Bonfanti au son, et bon, quelques autres, bien sûr. Et Bruno, dans ce texte qu'il avait lui-même oublié, puisque Bruno, il oublie tout, que Jean-Pierre avait retrouvé, il revient comme ça au long de son texte sur ce long travail de tissage aussi avec les ouvriers. Voilà, donc remonter ce travail-là de Bruno Muel, et ne serait-ce que faire connaître son nom. Après, c'est lui aussi qui a voulu se mettre en deuxième ligne, hein, on va dire. Il est toujours comme ça, de toute façon, mais... Et c'était pour moi très très important. Et puis, puis Bruno, après, était un grand ami de Renaud Victor. Donc ça, c'est le... Et ça, c'est le dernier, peut-être un des plus difficiles à faire, parce que travailler avec quelqu'un qui est mort, c'est pas drôle. Et donc, on a eu beaucoup... ça a été très long de faire ce petit livre. Mais pour nous, très important, et là aussi, ça a à voir avec Marseille, puisque après l'expérience avec Deligny, Renaud Victor descend, fait son dernier film à Marseille, dans la prison des Baumettes. Là, encore une fois, ça faisait partie d'un grand programme, hein, dans les prisons à l'époque. Mais travailler en liberté à l'intérieur des Baumettes, je pense que ce sont des choses absolument inimaginables aujourd'hui. Ils sont restés 2 ans. Il est resté 2 ans, plus le dernier mois totalement, avec liberté absolue de déplacement dans toutes les cellules, se faire inviter par tel qui sait faire les pâtes, et puis Enfin bon, quelque chose que Marseille a permis aussi à ce moment-là. Et un film qui n'avait pas été vu, en fait, depuis... Oui, les prisons aussi. Pas les prisons aussi. Ça s'appelle Deux jours comme dit. Deux jours comme dit. Je sais pourquoi je fais ce lapsus, parce que Hélène Châtelain avait fait avec d'autres personnes un film qui s'appelle Des prisons aussi. Et donc, c'était à cette occasion que je l'avais vu, en soulignant aussi que c'était du coup aussi un film sur le temps, sur, comme je disais au début, pas un film sur les baumettes, mais dans les baumettes. Et justement, d'ailleurs, dans le numéro de Cinéma hors capital sur Renaud Victor qui s'appelle Présence proche, tu écris un texte aussi, Jean-François, où tu fais un lien entre les premiers films de Renaud Victor à la proximité de Deligny et ce film à la prison des Momettes. Peut-être tu peux aussi en dire un mot, mais de nouveau, je me dis, bah, c'est encore quelqu'un qui, là, peut-être pour les films faits dans les Cévennes, a été forcé par Deligny pour faire ses films de s'installer sur place, d'une certaine manière, puisque en fait, il s'agit d'y être, on pourrait dire, pour résumer. Dans cette collection, on a une volonté, c'est de, au départ, qui est d'inventer notre histoire, c'est-à-dire des histoires du cinéma, elles existent, et en général, les histoires de l'industrie. Et nous, on voulait inventer une histoire d'un cinéma qui n'est pas industriel, qui est hors capital, c'est-à-dire qui ne fabrique pas de richesse, de plus-value, on va dire le mot. J'essayais de prendre des biais, mais on va dire comme ça. On va y aller. Et qui se fasse, qui est en dehors de la capitale, qui est dans le cadre français, l'hypercentralisation du cinéma dans une ville, hein, ce qui est assez exceptionnel au niveau mondial. Hein. Une aberration assez exceptionnelle. Et donc, dans cette histoire, eh bien, on rencontre des personnages qui ont eu cet engagement dans la durée dont tu parles. On en rencontre beaucoup. Martine parlait des groupes Medvedkin. Et du rôle particulier qu'a joué Bruno Muel, parce que quand on parle des groupes Medvedkin, on parle de Chris Marker, qui n'a pas un rôle négligeable du tout. Il a une structure, il a ce geste de faire passer des caméras, on va dire comme nous, on a pu le faire au panier. Il fait ça avec les ouvriers de Sochaux. Mais il y a quand même des gars qui, eux, vont rester sur le terrain, qui vont rester dans la durée, qui vont tisser des liens profonds, durables avec les gens avec qui ils bossent. Et ces gens-là, c'est Bonfanti, c'est Bruno Muel en particulier, et qui ont transformé leur vie dans cet engagement. Ce n'est pas des trucs de passade, ce n'est pas un film. Un film, c'est un moment extraordinaire de la vie, ça a une durée, après on passe à autre chose. Non, là, c'est un engagement de dizaines d'années. Et nous, on avait rencontré dans une autre expérience, celle de Pierre Burgan dans le Nord, à l'occasion du film, quand on a sorti Flaky et Camarade, en reprenant des images brutes qui avaient été tournées à la fin des années 70, au moment de la fermeture des mines, par les gens que Pierre Burgan faisait venir dans son atelier. Mais Pierre, il s'était installé dans les corons, il avait loué une maison, il y vivait là, et il a vécu avec les gens pendant des années. C'est ce type d'engagement qui apparaît très vite dès lors qu'on s'intéresse à une histoire hors capital. Et évidemment, moi je savais qu'on rencontrerait dans cette histoire, dans notre collection, un jour Renaud Victor, donc l'occasion, ça a été donné par Bruno Muel, qui avait produit deux films de Renaud Victor, trois. Et voilà, il y a une filiation, il y a des liens qui se tissent. Ces gens-là, ces expériences-là, crée un réseau, un tissu qui est beaucoup plus fort qu'il se donne à voir même. Et voilà, donc Justement, le tissu de, des premiers films de Renaud Victor, c'est, pour que ça soit clair, c'est justement l'expérience de Deligny avec des enfants autistes dans les Cévennes. Et donc, on pourrait dire que c'est ce qui précède les films. Tout à fait. Mais si on regarde bien, c'est aussi une expérience politique qui traverse le temps et que, en tout cas, qui est bien dessinée par Walter Benjamin dans ce qu'il appelle l'expérience. Benjamin écrit un bouquin qui s'appelle, enfin un texte qui s'appelle « Expérience et pauvreté ». Et il oppose, enfin la pauvreté, pour lui c'est la pauvreté d'expérience, hein, de l'expérience, qui fait disparaître le récit. L'art des conteurs, l'art des narrateurs, c'est cet art du récit naît d'une expérience qui est vécue et partagée. Et je crois que ce qu'on trouve chez Deligny, justement, c'est la récupération d'une expérience. Comment, dans ce monde contemporain, d'après-guerre, comment on construit une expérience? Comment on vit sa tentative, c'est on construit une expérience. C'est ce que Bruno Muel a vécu, c'est ce que Renaud Victor a mis en œuvre. Et quand il est allé rejoindre Deligny, c'est aussi parce que lui avait besoin de cette expérience. C'est le besoin de vivre cette expérience. Et oui, le geste de Deligny est très fort. Si tu veux parler de ça, eh bien, viens t'installer, partage, et après tu pourras raconter. Mais c'est ce qui se passe avec les groupes Medvedkin. Mais si on regarde des grands cinéastes comme Joris Ivens, dans ses mémoires, il raconte comment lui-même rentre quand il fait Borinage, quand il rentre dans la situation, quand il s'installe pour partager avant de filmer une expérience. Voilà. Donc Renaud Victor, quand il va au Baumette, c'est avec ce vécu-là et cette expérience partagée avec Deligny. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, j'ai l'impression. Non, mais que... si, si. Et avec aussi ce film que je n'ai pas vu depuis longtemps, mais qui me semblait être un film aussi sur la durée, sur le temps en prison, qui était quelque chose qui... Voilà, qui, sur l'expérience du temps dans ce lieu. Oui, mais c'est en ne prenant pas... Alors, bien sûr, le film, il a cette force-là d'être dans une unité de temps, de lieu et d'action, mais il déborde en permanence. C'est-à-dire qu'il y a toute une vie et toute une expérience extérieure à ce moment-là qui déborde. Quand il fait parler à un des prisonniers qui est un gitan, il y a toute une culture gitane qui déboule quand il parle avec un prisonnier, un condamné qui dit qu'il est innocent. Il y a tout d'un coup toute cette vie extérieure qui déboule, etc. C'est-à-dire que le conte, parce que pour moi c'est un conte, hein, quand tu ne mets rien en doute des choses les plus incroyables, quand ce gars lui dit « je suis innocent », instantanément le conteur raconte qu'il est innocent. Il n'y a pas de... Il ne va pas aller tripatouiller pour savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, s'il fabule. Non, tu dis que tu es innocent, c'est que tu es innocent. Et c'est cette capacité à se faire l'héritier de toutes les histoires et de toutes les expériences vécues à ce moment-là qui est très forte chez lui. C'est de dire oui, tu vois, à tout ce qui... Y compris avec le maton, qui est un des moments extrêmement forts du film, où en fait il parle avec un maton et lui pose la question « Est-ce que tu t'imagines, toi, qui es en train de surveiller des prisonniers, être à leur place ?» Le maton répond pas. Pendant un petit moment, je ne sais pas si tu te souviens de ce moment, qui est énorme, silence, silence, et d'un seul coup, le maton se met à rire, mais très très fortement, et Renaud Victor se met à rire aussi avec sa caméra, qui commence à rire, et tu sens que là aussi, Renaud Victor, d'où il vient, sait très bien qu'il aurait pu être prisonnier. Et le maton est complètement en doute de cette histoire. Donc là, tout devient extrêmement complexe et te relie aussi à l'ailleurs de la prison. Un très beau moment, très fort. Qui est donc du coup aussi dans le livre, dans la revue cinéma, livre, sur Renaud Victor. Est-ce qu'on fait peut-être une toute petite pause en repassant le deuxième extrait des ciné-journaux qu'on avait, juste pour se laisser entendre autre chose que la voix? y aura des silences. Wang va faire un coup franc. Et but. Et but. Et foot. Et un seul. Et triple. Et un crochet. Attention, le crochet. Ah, parce que le petit pas. Aïe, aïe. Capello, il va. Oui, l'autre fille. L'autre fille, il va marquer contre son frère. Et but de l'autre fille contre son frère qui était au goal. Nous allons vous interroger sur votre frère. Est-ce qu'il joue bien au foot? Oui. Superbement? Oui. Il marque beaucoup de buts? Oui. Est-ce qu'il est musclé? Bonjour. Est-ce que vous avez marqué des buts? Non, n'est pas là la question. Nous avons bien joué. Nous avons très très bien pressé. Je pense que notre attaque est au point. Pour l'Euro 2000. Dans quelle équipe vous êtes? Avec Wang? C'est bien. Zinedine Zidane. Avec Capurusi. Capello? Je lui ai fait un petit courbage passe. Un petit peu. On perd le match 5-1 et c'est très important. C'est un match très important. Est-ce que vous êtes mis au foot? Non. On doit le gagner. Pourquoi? J'aime pas. Vous savez pas? Et vous aimeriez bien faire un grand voyage? Non. Par exemple, l'Amérique? Non. Non. Vous aimez rien, quoi? Oui. Vous aimez quoi? Rien. C'est le moment de donner pour Kohenzi. Merci beaucoup. Parle en comorien. Je ne voulais pas y aller à Kohenzi. Encore, encore. Excusez-moi du mot que j'ai dit, mais je suis footballeur, je rêve toujours de l'être depuis ma naissance. Wang va chercher de l'eau à la maison pour tous, qui se trouve au panier. Quoi? Sur le roi du stade de la cathédrale, sur footballeur professionnel, mec. C'est un petit comment, petit frère? Attention, c'est un petit frère quand même. Ouais, mais c'est quand même un con. Ah non, c'est pas bien d'insulter. C'était le terrain de foot du panier. C'est même un équipement assez incroyable parce que c'était au début un truc que les gamins ont improvisé. Il faut imaginer que c'est à côté de la cathédrale de la Major, juste au-dessus du port. Je crois que c'est le terrain de sport qui a la plus belle vue de France. Hein, et quand ils ont réaménagé tous les abords... c'était devenu tellement quelque chose d'important pour les minots du quartier qu'ils ont obtenu que ce terrain improvisé devienne... il existe maintenant. Ok, maintenant il y a des grilles autour, il y a des portails pour rentrer, mais il est toujours à peu près au même endroit avec vue sur la mer. Et c'est un aménagement imposé par les minots eux-mêmes. Le temps. Olivier. Justement, par rapport à... Puisqu'on discutait de ça, en tout cas, vous parliez de cette dimension du temps qui est on pourrait dire la dimension nécessaire et absolument suffisante pour que quelque chose se passe et ait lieu, quoi. Je voulais reposer la question repartir de là par rapport à Benoît et le travail sur le pont rompu et le cinéma et compagnie. Et sur la double dimension à la fois de. On parle d'implantation, on parlait Bonafé tout à l'heure, mais aussi de. Du fait que ça fait quand même pas mal d'années que vous y travaillez, ou vous traînez vos guêtres par là et qu'il y a. Qu'est-ce que tu pourrais nous évoquer ou nous raconter sur comment est-ce que quelque chose s'est transformé ou pas, et qu'est-ce que comment ça s'est passé cette dans le rapport que vous aviez aux habitants, par exemple? Je trouve ça assez émouvant parce que quand j'entends le deuxième extrait, ça me fait vraiment penser à des choses qu'on avait faites aussi avec des petits de cet âge-là, peut-être même 12 ans, tu vois. Où on avait, oui, vous avez vraiment pris le son et l'image, et ils y allaient, tu vois, ils ramenaient, tu vois, pour un pro, ça aurait été, ça bouge, c'est n'importe quoi, mais il y a toujours quelque chose comme ça qui est de l'inattendu, qui est vraiment de eux. Mm. Et c'est ça qu'il faut aller chercher, c'est vrai. C'est ça qui... je sais pas, c'est du cinéma, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est ça le truc. Quelque chose qui leur appartient, qui est fait vraiment par eux. Et ça, c'est vrai qu'il faut du temps. Il faut du temps de confiance, il faut du temps de discussion, il faut plein de moments où tu filmes pas non plus, où tu te racontes des choses, où tu apprends à te connaître. Et ça, c'est clair que c'est obligatoire. Quoi. Ça, c'est... On a une autre expérience dans un quartier de Roubaix avec trois jeunes filles adolescentes. Oui. Et on est arrivé au fait qu'on leur laissait la caméra le week-end, tout le matos. Vraiment, on leur laissait. Dans un quartier aussi assez rock'n'roll, mais elles étaient parties, elles nous ramenaient, genre, elles nettoyaient les chiottes. Chez elles, quand elles faisaient le ménage, elles se faisaient une séquence de tournage en nettoyant les chiottes, tu vois, on découpe, on était morts de rire, on regardait ça quand elles nous ramenaient ça, tu vois. Et on a construit le film comme ça avec elles, mais en discutant comme ça au fur et à mesure. Mais c'était elles, tu vois. Et quand on arrive à ça, tu apprends quelque chose de ces gamins-là, de ces gens-là, quoi. Ce qu'on a essayé de faire avant, c'est pareil, c'est le temps, c'est une espèce de... où les gens commencent à parler autrement qu'à... Je pourrais dire, je sais pas, un journaliste, où tu rentres dans une vie, où même des fois tu t'engueules avec les gens que tu filmes, ou même des fois tu commences à vivre des choses, des tensions même. Et là, il y a quelque chose qui... C'est vrai que c'est clair. Mmh. Mais ça, faut passer 2-3 ans avec des gens, tu vois. Faut se laisser aller, des fois, ça on se fait la gueule, ça s'arrête, et puis après, on revient, ça va mieux, des trucs comme ça. Enfin, c'est la vie aussi, tu vois, les aventures où il y a de la tension, il y a... Voilà, je pense. Et juste par rapport à ces questions-là, je pensais à ça, c'est peut-être une question délicate, c'est toujours, mais c'est quand même ce qu'on appelle les matérialités, parce qu'il y a à la fois le matériel, on va dire, pour parler du degré zéro des matérialités, qui est quand même crucial, mais il y a aussi le temps, enfin, c'est ce temps-là pris, et il y a bien évidemment qu'est-ce qu'on va chercher comme revenu, comme argent, comment ça marche pour pouvoir, parce que le temps c'est une exigence, et en général, sur la question de la prolifération des ateliers, on y passe en général. Ce qu'on nous demande, c'est de... Enfin, l'idéologie aujourd'hui, on pourrait dire, qui a d'ailleurs été expérimentée en premier dans le Nord, c'est le geste artistique. Au sens où vous y allez, vous apportez la bonne parole, au pire, ça dure une journée, et puis vous rentrez chez vous. Et donc, comment... Enfin, la question est à double détente, c'est-à-dire que c'est qu'est-ce qu'on met au travail pour rendre cette politique-là possible, parce qu'il s'agit bien de ça, c'est-à-dire qui dit travail dans le temps, avec aussi la possibilité que rien ne se passe au fond, et que finalement on revient avec pas grand-chose, mais c'est pas crucial. Mais donc ça veut dire que si c'est pas crucial, ça veut dire que c'est comment vit-on avec ça et de ça, que je dirais. C'est bon, alors après je pense que chaque expérience génère aussi à la fois sa méthode et aussi probablement qui dit méthode dit son économie. Ça c'est clair. Mais néanmoins, dès qu'il est question de temps, je ne sais pas comment Renaud Victor, par exemple, comment ça s'est passé pour lui, le fait de pouvoir rester 3 ans dans une situation précise en prison, et qu'est-ce qui s'est passé de ce qui revenait pour qu'il puisse continuer à bouffer, simplement. Enfin, je parle de ça, hein, et à payer son loyer, parce qu'on en est bien des degrés aussi basiques, comme n'importe qui, hein, d'ailleurs. Il s'agit pas de... Il n'y a pas d'exceptionnalité en ça, c'est juste que si on veut du temps, ben, ça nécessite quelque chose qui est des concessions, mais aussi il faut aller chercher un peu des choses, quoi, des matérialités, quoi. Donc d'où l'importance des lieux, par exemple. C'est pour ça qu'on parle aussi des lieux, quoi. Avoir un endroit où on peut se faire à bouffer, où il y a du matériel, ça soulage déjà beaucoup. Juste oui, là, bien sûr, de ce point de vue-là, par exemple, pour Renaud Victor, c'est vrai que c'est quelque chose qui a eu lieu en 91, donc autant dire il y a bien, bien longtemps. Oui. Et c'était dans le cadre de grands programmes d'invitation d'artistes sur des résidences de longue durée ou de très longue durée. D'accord. Il y en a eu 3. Et à cette époque-là, et effectivement, il y avait des financements publics à la hauteur de la durée qui était... De cette exigence-là, de cette exigence de qualité de travail, d'implantation là pour de bon, de travail sur la durée, de création artistique. Donc on avait aussi, de l'autre côté, et moi qui ce rapport-là avec l'institution qui nous finance en permanence, je vois ce que de cette époque-là, et même d'une époque que j'ai connue quand j'ai commencé, Le temps s'est complètement rétréci pour de bon. On est pour trouver un peu d'argent pour un atelier. C'est des ateliers d'une semaine, 15 jours, ça n'a aucun sens en fait. Mais par contre, au niveau administratif, moi, ça m'écroule complètement. Je suis écroulée sous le travail de dépôt de dossiers, de bilan de dossiers, pour sous-payer des gens après, dont je sais très bien qu'ils vont travailler 4 fois plus, parce qu'on garde l'exigence. Voilà. Après, il y a de temps en temps, bon, ça, je trouve ça, depuis que le terme appel à projet, notamment sur les ateliers, est arrivé, on est dans une logique purement prestataire de service, geste artistique d'un côté, atelier de l'autre, enfin, tout est séparé en fait. Donc, moi, je bataille en permanence avec ça, en essayant aussi de. Quand même, je fais ces dossiers complètement cons parce que ça ramène un tout petit peu d'argent et qu'il n'y a plus cette grande volonté publique sur la durée. Voilà. Il suffirait simplement qu'on ait un peu plus d'argent à l'année. On ne serait pas obligé de faire tous ces appels à projets qui sont brefs, limités, beaucoup d'exigences, des partenariats un peu mensongers avec des structures sociales. On n'a pas le temps d'installer maintenant des choses sérieuses avec des lieux. Enfin, cette époque-là, elle est un peu folle. La dernière chose que j'ai pu faire sur la durée, il y a eu un truc qui s'appelle Marseille-Provence, capitale européenne de la culture en 2013. Et c'est le dernier grand truc qui s'est passé où on avait de la durée. Oui. Donc moi, par exemple, on m'avait dit, c'est là que j'ai vraiment travaillé avec Film Flamme, on m'avait dit, va voir à La Ciotat, s'étiller, quoi. Et j'avais 3 ans de financer. Oui. Bon. Et sur 3 ans, là aussi, les gens ne voulaient rien faire au début pendant 6 mois. Et moi, je devais rendre compte à l'Europe et compagnie des... Non, ils ne veulent rien faire. Donc, mais j'avais ce temps-là, ça ne marchait pas, on y était, personne ne voulait rien faire des habitants. Normal, ils m'ont dit, on a déjà tout dit à tout le monde, alors nous, comme on avait vachement envie de filmer et de faire plein de choses, on a commencé à travailler nous, en fait. Oui. Et ce déplacement-là, c'est ce qui nous a amené à faire à la fin 10 films. On a compris que tous les ciotadins voulaient traumatiser par les films des frères Lumière, voulaient plus du tout faire de films en tenant la caméra, mais être acteur, oui. Donc voilà, si j'avais pas eu les 6 mois où c'est un peu. Il fallait se chercher, il se passait rien, à part parler, bien sûr, et rencontrer les gens, on n'aurait pas eu le temps, on n'aurait pas vu cette ouverture de la cité sur la fiction. On avait, Boviala nous avait prêté une deuxième à minima, donc on pouvait faire 2 tournages en même temps. Et toute la cité s'est ouverte à ce moment-là. Voilà, et ça, il y avait de l'argent pour une fois. Et c'est vrai qu'après, en tant que responsable du projet, on me dit, mais tu crois pas que l'argent, ça serait mieux utilisé à refaire les trottoirs? Et il y avait ce truc, oui, ça a été luxueux. Et que le luxe pour les quartiers, moi, je suis pour. Complètement. Non, mais je voulais par rapport aux ateliers. Stéphanie du collectif. Stéphanie du collectif, oui. Encore heureux, mais aussi d'un atelier. Mais c'est vrai que finalement, encore heureux, la première greffe en fait des gens du collectif, elle se passe aussi autour de cette question des ateliers, puisque on est tous un peu isolés. Dans des institutions ou à avoir fait des ateliers de théâtre, de bricolage, de musique, de cinéma, de lecture. Et que c'est sûr que le fait de s'agréger ensemble, c'est pour essayer de rediscuter de quelles sont les conditions nécessaires en fait, pour que des ateliers se tiennent et que ça fasse du sens en fait. Et que le premier Encore Heureux, le sous-titre, c'était Encore Heureux, à quoi ça tient? Mais c'était aussi à quoi ça tient le fait de pouvoir fabriquer en psychiatrie notamment, ou dans des lieux d'accueil sociaux. Et que finalement, un atelier qui dure plus de 15 jours, comme tu le dis, ça n'existe presque plus en fait aujourd'hui. Et que on est encore quelques-uns à pouvoir, sans aucun diplôme, etc., mais travailler dans certains lieux, dans la durée, dans plus qu'une année, quoi. Plus que moi, je travaille dans un lieu en banlieue parisienne, à Bondy, qui est un petit hôpital psychiatrique depuis 15 ans. Mais aujourd'hui, je sens bien quand même que on voudrait faire un espèce de ratio argent nombre de participants. Ça, c'est intolérable, je trouve, parce qu'un atelier, ça commence peut-être avec deux personnes. Et puis deux personnes où on s'ennuie ensemble et effectivement, on commence à parler, on ouvre un livre et que finalement, quelqu'un qui passe par là vient s'installer, raconte un peu ses histoires. Et que aujourd'hui, dans les institutions, il y a vraiment... Bon, au-delà du phénomène aussi un peu de tout ce qu'on va appeler, disons, l'art-thérapie, qui est bon, très problématique, à mon sens, la façon dont... va précéder le geste thérapeutique avant même qu'on se soit dit, mais déjà, se réunir ensemble pour bricoler, lire, est-ce qu'on sait si c'est thérapeutique ? Est-ce qu'on sait si ça a une portée ? Quel est le sens que ça a pour les gens ? On ne peut pas le prédéterminer à l'avance, en fait. On sait juste que voilà, la composition d'un groupe, elle va s'altérer avec le temps, puis se reconstruire à chaque fois que c'est possible, mais... C'est marrant parce que en vous écoutant, je me disais, mais est-ce que l'alternative, c'est... je vous entendais parler comme si vous parliez des établis, en fait. Comme s'il fallait être établi quelque part, mais au sens des établis, pour pouvoir, à un moment, retrouver une certaine liberté de temps. Alors... économiquement, ben, trouver des façons de survivre, mais que quelque chose de l'établi, en tout cas, ça fait sens dans la possible construction dans le temps, en fait. Mais bon, c'est une hypothèse. Hein, mais... Puis je repensais un petit truc aussi dont on n'a pas parlé, mais qui me fait vraiment écho à ce que vous racontez, c'est tout le travail du collectif Mohamed, qui est vraiment une histoire vraiment très belle aussi des quartiers. C'est quand Lina, à un moment, enfin, de ce dont je me souviens de l'histoire, mais que Lina propose de prêter des caméras, qu'un prof, je crois, à Vitry, me semble-t-il, entend cette proposition, il rencontre Lina, il se retrouve avec quelques caméras Super 8, et il les file à des gamins dans un quartier de Vitry, puis... je ne sais plus, il y a un autre endroit, Alfortville, je crois. Et pour le coup, il y a vraiment une histoire absolument incroyable qui se produit. En plus, ils suivent vraiment l'actualité du quartier. Et surtout, ils, entre guillemets, médiatisent eux-mêmes, notamment les problèmes avec la police qui sont à ce moment-là monnaie courante. Mais ils documentent en tout cas vraiment eux-mêmes ce qui se passe dans leur quartier et les institutions qu'ils fabriquent eux-mêmes dans un petit local, ils racontent leurs histoires. Et enfin, je trouve ça dommage qu'on ne les voit pas très souvent, mais c'est vraiment des films magnifiques. Hein. Je ne sais pas où sont les films, mais par exemple... Je crois qu'ils sont à la Cinémathèque de Toulouse. D'accord. Ah oui, ils font de bon boulot. Donc, ils seront numérisés à nouveau visibles. Toulouse fait un énorme travail. Oui, c'est vrai qu'ils travaillent bien. Ouais. Sinon, j'allais dire, on le fait. Dans ce que tu dis, il y a quelque chose que j'ai pas énoncé comme ça, mais qui se retrouve derrière. Au tout début, par exemple, bon, ça correspondait au fait que je voulais plus travailler, je voulais plus avoir affaire avec ce milieu, notamment. Mais il y a une chose que je savais, c'est qu'il fallait renoncer au statut d'intermittent, par exemple. C'était bien sûr, mais c'est une question. Hein. Et il fallait. Mais après, tu fais quoi ? Alors, je me suis retrouvé au RMI, et il fallait après aller justifier que t'étais au RMI et que tu cherchais du travail. Bon, c'était assez facile. Il n'y en avait pas dans le cinéma à Marseille, donc je pouvais le justifier assez facilement. Mais je me souviens pas y être allé comme ça, mais leur avoir dit que je c'était un statut magnifique et je tenais à le conserver. Je les remerciais de créer le communisme en plein cœur du capitalisme. Bon, ils étaient un peu effarés, mais ils m'ont pas plus fait suer que ça parce que c'était Marseille, quoi. Donc on pouvait dire des choses aberrantes comme ça. Et ce que je sais, c'est que j'ai pensé cette expérience du polygone comme une expérience communiste. Mais tu retrouves la même chose chez Deligny, tu retrouves la même chose chez Bruno Muel. Voilà, c'est. Mais d'un ce que Deligny appelait un communisme ahistorique, un communisme primordial. Tu vois. Et oui, ça demande à renoncer, y compris même à ce qui est l'organisation sociale du moment. Tu vois, après, il faudra faire avec. Tu sais bien qu'il faudra arriver à rentrer dans les failles, mais qu'il n'y a rien de prévu pour ça. Hein. D'ailleurs, à partir du moment où ce sera prévu pour ça, il faudra faire autre chose. Donc, voilà, je n'ai pas d'hostilité à l'égard de ce qui se met en place a priori, si ce n'est que, bon, bah, évidemment, l'espace de liberté dans cette société actuellement, elle se réduit comme peau de chagrin. Ça, par contre, c'est une réalité, mais réalité pour tout le monde, pas simplement à l'égard de ce qu'on fait. Et en face de ça, de toute façon, l'inanité totale des initiatives portées par les institutions dans ces domaines, enfin, fait qu'on est assez, on peut être assez tranquille avec est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on fait aujourd'hui, et on existe encore. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que le polygone existe à Marseille, que c'est une aberration. C'est une aberration totale, à tout point de vue, c'est contraire au règlement européen, c'est contraire à toutes les politiques publiques, mais de fait, ça marche. Et quand le président Muselier, qui est président de la région, dit, qui est un homme de droite, dit le polygone étoilé ne disparaîtra pas, merci, mais ça fait plaisir, et puis... c'est le premier homme politique à l'avoir dit. Hein. Il a fallu que ce soit un homme de droite. Mais... Donc, faut s'attendre à tout. Mais il n'y a pas de place pour ça. Donc, toutes les places sont bonnes, tu vois, même politiquement, en qualité, puisque son conseiller a même dit c'est un projet communiste. Tu vois, ils savent de quoi on parle. Mais pourtant, effectivement, ça marche. Et ils peuvent s'en rendre compte. On va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui parce que il est déjà tard. Si tu nous arrêtes pas. Les films donc pour les manceaux qui nous écouteraient vont être visibles à partir de demain dans la grande salle de la Fonderie. Tous les jours jusqu'au 10h à 18h. Vous pouvez passer. On va mettre les films en boucle. Du coup, vous pouvez rentrer dans la salle et puis en sortir quand vous voulez. Mais c'est bien de rester une heure. Oui, il y a une heure de film, mais. On peut le prendre aussi au milieu. Oui, c'est ça. Les photos du Pont Rampus sont aussi là jusqu'au 17, parce qu'on a eu un rab. Aussi les dessins de Quentin. Il y a également les dessins de Quentin, merci. Rouchet. Oui, Quentin Rouchet. Voilà. C'est quelqu'un du Mans qui nous a gentiment... Ouais, on en reparlera, je pense. Et puis le bouquin... Pont Rompu, Tourcoing, un roman photo, on débutait tous, qu'on peut aussi également venir chercher à la Fonderie pendant ces jours qui viennent. Merci à Pinode qui nous héberge pour faire cette radio à la Fonderie. Et voilà, merci Martine, Jean-François. Merci beaucoup. Benoît. Voilà.